Buenas tardes, noche, cuando son las 8 y 2, una hora menos en la comunidad canaria, estáis escuchando el La Rap Party, el programa de rap de Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Claro que sí, ahora que he llegado porque estaba entre que iba a llegar o no iba a llegar por un problema de salud, pues he llegado y aquí estoy emitiendo en directo para toda mi gente, pues claro que sí. Y hoy el programa va dedicado a una conexión América con Francia, artistas franceses colaborando con artistas americanos. Y empezamos con una cosita guapa, guapa, guapa. Esto es Arsenic, que en 2002 colabora con Reza de los Butan Clan. Y suena así de guapo. Esto es Shaolin. Yo, from the Temple of Shaolin, in the six year short drum, class and live, come. Yo, throw the fat sound in, son. So I can blast these niggas like this one time. Digital. Bobby. Digital. Yo, check this shit out, son. Digital. Bob Digital, the authentic, tragic rap combo. Banging on your head like bongos. Shaolin, and my niggas from Congo. Zaire, West Indies, Senegal, Ron like Arnold Schwarzenegger. Escucha lo guapo aquí en Onda Terra. Wu-Tang sound is better than Gone Global. You smell the weed stench, my fat 12 inch. You can't drop in, I'll explain it in French. I made Fred, LA Club, at Gross Beast, at Gross Gun. And I made Pond with the big disc, they grind they long. Ecoutez to the Bobby Dizzy Dizzy skip. And I'll sit and you fuck around, you get your wig split. That could be a la richesse, savoir the flavor of sometime I rap, the français and US rap. You get smacked off the map and attacked by the black. Yeah, you can't adapt. Come, come, come, Shaolin, fix them, George Ron. You get blacked by the black. God, God, come, come, come, Shaolin, fix them, George Ron. You get blacked by the black. God, God, come, come, come, Shaolin, fix them, George Ron. You get blacked by the black. God, God, come, come, come, Shaolin, fix them, George Ron. Du 6ème, Shaolin, Arsenic, le boxon. On boxe son fils en full souk avec les mots, nous boxons, la banque son. Toujours au top, sans chichi et chopit, c'est sur la dalle, mais que nous bossons. Avec Nuno, on vient te remettre la rançon. Avançons dans le rap, laissons une chance à la chanson. Crash musical, on trace une nouvelle route, mec, attention. Je puis rien, on va faire monter la tension. T'entends, c'est Renoir chahuté, t'as eu des frissons dans tout le corps, maintenant tu sais où t'es. Fais garde, c'est dangereux, enfoiré au mic trop puissant. Puis les ont arrêté, passé MC, t'es impuissant. Y'a une guerre dans le rap, y'a trop de blessés. Les ont tous laissés morts, c'est chiant à force de se baisser. On cherche à nous finir ton mouvement et l'on dépecé. Presse la détente, la balle, on est prêt à l'encaisser. Pong, pong, pong, Shaolin, fix them, George Ron. You get blacked by the black, God, God. Pong, pong, pong, Shaolin, fix them, George Ron. You get blacked by the black, God, God. Pong, pong, pong, Shaolin, fix them, George Ron. You get blacked by the black, God, God. Pong, pong, pong, Shaolin, fix them, George Ron. You get blacked by the black, God, God. Ok, j'ai la niaque, le mic nerveux, remarque, on est revenu braquer les FNAC, faire fur poser la marque 2-0-0-2, marque notre tour, pack dans le jeu, rack négro, claque numéro 2, mec les packs, c'est le point d'impact. La limite c'est les yeux attaques de front track pour le ghetto et ses cris silencieux. Le mac, le beat, monsieur force en bac dans ce beat, vicieux un paquet de macaques, rentrer en force sous les coups de matraque. Pleuve, les rap flingues sec, à chaque jeune font des zingues. Les actes de haine se remplissent intact. J'ai gardé le fils, c'est Arsenic du 6, c'est digital, Bobby dans la baraque. J'pisse la rage, bled, craque sous la pression. Il sac plein de stress, ils sont qui claquent. L'impression que tous ces putains de cul-sac du monde nous entendent. Trois négros, une voix de vigne, ils veulent la tête d'un island. Pong, pong, pong, Shaolin, fix them, George Ron. You get blacked by the black, God, God. Pong, pong, pong, Shaolin, fix them, George Ron. You get blacked by the black, God, God. Pong, pong, pong, Shaolin, fix them, George Ron. You get blacked by the black, God, God. Pong, pong, pong, Shaolin, fix them, George Ron. You get blacked by the black, God, God. Who hate a bitch, you get smoked. Punch George in my jaws, who got the deep throat. Rhyme, force and block with the black Pucho. A great force with the Wu-Tang logo. C-A-L-B-O-L-I-N-O's in my belt. Bobby Digital, Digital. I'm universal while y'all dickheads, you stay commercial. Like Francois, you can't fuck with the sector. Resurrector, all praises to Allah. And giving birth to the sun, moon, and the star. Mighty Wu-Tang's works, invincible. You better watch Bobby Digital and Stereo. Mind power, get drunk, climb the Eiffel Tower. Authentic, put the truck, diesel, Eddie Bauer. Come, come, come, Shaolin, fix them, George Ron. You get black by the black, gone, gone. Come, come, come, Shaolin, fix them, George Ron. You get black by the black, gone, gone. Gone, gone. Shaolin, fix them, George Ron. You get black by the black, gone, gone. Come, come, come, Shaolin, fix them. Okay, wait. Word out. Bobby Digital, Digital, Digital. Word up, I'm in Cabo, and Lino. Authentic, bring you tremendous tragic. Hip hop and Francois, Francais. Blasting through your radio station. Sector off, Shaolin, Wu-Tang forever. Why? You can't comprehend, you analog, derelict ass motherfuckers. Whoop, whoop. One, one. Come, come, come. Word up. Each night before. Pues ahí teníamos nuestro primer tema, Arsenic, con Reza de los Wu-Tang Clan, Shaolin, guapísimo. Y saludito a esa peña de Carranque que me está escuchando, esa Demi, esa niña de Carranque, esa Rachel, ese Jordan ahí, besito para ellos. A mi gran amigo Paco, que hoy está en la línea 25. Ese rapón bueno. Saluda a toda la gente que nos está escuchando en esa línea 25 del autobús. Pues ahí también lo quedaba. Y seguimos con más cositas. En 2006, Bubba colabora con Akon en este tema que se llama Gun in the Hand. Guapísimo. Vamos a escucharlo. Esto sí que es un temazo. I find myself wandering up the road with a gun in my hand, trying to stay cool and be the bigger man. 'Cause I don't think niggas nowadays understand that if you tempt me, I put you under the sand. Right away, eh? Right away, oh? Right away, eh? I put you under the sand. Right away, eh? Right away, oh? Right away, eh? On sera pas avec les cœurs, écoute ce couplet. C'est écrit blé de douille, c'est que tu chantes comme un poulet. Trap avec le boule, t'approches pas de mon panier. Plus 3 secondes dans la raquette et 92 bastos. Boum, se dirige vers ta cassette. La rue te fascine, la rue te prend, la rue te calcine. Ma racine, c'est l'argent facile. Mon rap, c'est une montée d'adrénaline. Une mauvaise blague sur ta mère, pas besoin de la brigade canine. Pour sentir que tu peux la merde. Même si t'as trop traîné ton cul sur les bancs de la fac, je vais faire un manteau de fourrure avec les poils de ta chatte. D'un patron j'aime pas recevoir d'ordre. Achète mon album à tes gosses ou je leur vendrai de la drogue. Elle est bonne, elle sait chanter, ok, j'mise dessus. Si j'perds un tête à tête, j'te tire dessus. Minimum 20 cm, Marianne en serait ravie. Tu veux surfer sur les ondes, mon tsunami, t'as changé d'avis. I find myself wandering up the road with a gun in my hand, trying to stay cool and be the bigger man. 'Cause I don't think niggas nowadays understand that if you tempt me, I put you under the sand. Right away, eh? Right away, oh? Right away, eh? I put you under the sand. Right away, eh? Right away, oh? Right away, eh? I put you under the sand. Sénégal, tu l'as bien compris. Légal ou illégal, on fait du rap, des samples et de la sombrerie. Suce ton succès, tiens un peu de choses. C'est le nouveau B2O, c'est trop frais, les fans prise l'overdose. Dans le bain depuis Colors, boys in the hood. Mon son te colle aux fesses, biatch, je te recherche comme ça à Connors. Mon équipe te fait péter les plombs comme 10-6, 9 de easy. J'prends mes négros, mes bitches, le bise dans l'envie de vomir. Voilà ce que j'éprouve, des mythos, suceurs de beat. Voilà ce que j'y trouve, red dingue de mon flow, ils sont trop deg. J'entends jurer des mecs sur la mec, on est dead. Parce que les négros veulent ma peau, j'avance écorché vif. Pareil que j'prends de la 16, pareil que j'suis en prison, pareil que j'suis juif. Tu peux me croiser chez Maxime, tu peux me croiser au grec. Mon cerveau, j'le vaccine, un joint de seum collé au bec. I find myself wandering up the road with a gun in my hand. Tryna stay cool and be the bigger man. Cause I don't think niggas nowadays understand. If you tempt me, I put you under the sand. Right away, eh. Right away, oh. Right away, eh. I put you under the sand. Right away, eh. Right away, oh. Right away, eh. I put you under the sand. A whole nother level, a whole nother style. A whole bunch of niggas that's down to get wild. Yes, a whole lot of rebels, a whole 40 cow. The one that hesitate to put a hole in you now. Cause if you got it, best believe I'm gon' get it. I'm not the type to commit it, and then go admit it. Find yourself in the shelf somewhere, throat slit it. I tightened up with my belt and slugs through your fit. Tried to warn these niggas, but these fellas too slow. It seems like motherfuckers ain't never gon' go. Won't bother nobody unless you step on my toes. And we'll let it go in case you catch saying no now. J'passe sous les échelles, un flingue caché dans le pécherel. Moi j'en ai rien à foutre, j'suis ce genre de négro. Que de la bonne cam, on s'est flairé l'oseille. Ouais, nous on roule en grosse gamme. Et toi, tu prends le métro. Find yourself under the sand. Oh, oh. Find yourself under the sand. Akon and Booba, yeah. I'm not that man. You will find yourself under the sand. Pues más saluditos, ahí teníamos a Inma, que me estaba diciendo por privado que ya mismo abrimos la piscina, que me vaya preparando. ¡Wow! Así que este veranito toca piscinoide con Inma, con mi fan número uno, Everly, con ese carbo guapo, ese Moy, es Andrea, es Paula. Pues claro que sí, seguimos con más cositas, colaboración América y Francia, esto es... Y lo que vais a escuchar es DJ Scandalo, canta con Matt Houston, aunque debo decir de que canta en inglés. Matt Houston es francés, pero canta en inglés. Y lo que vais a escuchar se llama The King Is Back y va dedicado a la estrella de la NBA, LeBron James. That I'm hot. Alpha, Type B, O. Ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this? Keep hating, cause your hate fuels my motivation. And I won't stop, won't stop till I'm no longer on top. Till the trophy is ours and it's so lost. But until that happens, it's on. Rock. Pues ahí teníamos DJ Scandalo con Mac Houston, dedicado a LeBron James. The King is back, el rey está de regreso, ha vuelto. Es muy guapo el tema. Y vamos con más saluditos. Saludo, a, cómo no, a mi Miguelón, que me está escuchando, a ese canío, el canío, esa raque, a mis compañeros de Onda Terral. ¿Qué haría yo sin ellos, eh? Las trillizas, esas trillizas, ese DJ, ese Cat DJ, ese Peter. José no, que me ha hecho la guardrapa y se ha ido lío puta. Que va también para José. En fin, para todos. Y ahora seguimos con más cositas. Y lo que suena se llama el Nota I Am, que se rodea con Timbo King, Dreddy Krueger y Prodigal Son, y grama este temazo titulado La Saga. Where you fam? I am Pleasant Man, Wu-Tang Clan. About to take it to another chamber. From Medina to Marseille, Marseille. Yo, I am Sons of Man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. In the beginning there was darkness, then came light. I grabbed the mic, then dish your ass just for spite. What? You can't fuck with the flows I bring. Watch the staff I swing. It's Timbo King, astonishing. I'm dramatic to the air. Television tells lies to your vision, so beware of the technology set forth to fool the mind. If you're dumb, you're lost. If you're wise, you will find that poison is a devil substance made from scratch. Cause one rotten apple destroys the whole batch. You scratch, I throw jabs to your jaw so quick. You get bashed in the head with a stone-faced brick. Went thick like molasses, deeper than the earth's mantle. Roy, you take over, stampede, trample those who force teach, tell lies to the youth. I branch out, my roots run deep, here's proof. À 17 ans, je me suis fait une raison. J'étais un petit con, un nerveux spasme, mon fil de baston. Et je frappais un coup de pied dans la table, tout volé, envenimé par la négativité. Tant d'échecs, tant de défaites, on forgeait le mordant pour encaisser les coups de ma mentalité. Fauché sans occupation, il n'y a pas pire. Je ne possédais rien et je voulais fonder un empire. J'ai persisté, dit des trucs vrais et été épisté. J'ai insisté et le groupe païen m'a existé. Pour de bon, j'étais sincère. J'écris des vers pour mes pères. Et il n'y a que qui flippe derrière. De l'attention, ils se foutaient. Donc j'ai roulé pour ma poire comme le gaz. Les intouchables faces de mes phrases. J'ai même changé d'avis pour la saga. C'est plus j'y revenais quand tu allais. J'y retournais. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I'm blowing niggas out the frame. Now what's my motherfucking name? I'm playing niggas like a boy game. You can't fuck with the drunk Dreddy Krueger. Blow, blow. Two slugs for my rug and I'll move ya. I write rhymes when I'm sober, say it when I'm drunk. The Buddha monk got the skunk. Yo, I smoke niggas like kryptonite blunts. Dog bitches like Snoop, fuck them on my stoop. Then yo, I step the gates in troop to see my nigga, the jizza who had my bulletproof. My bulletproof vest for my chest to relieve some of my stress. And now I'm safe from my neck to my waist. But still I gotta worry about a nigga catching me in the face and beat the case just cause he had pace. Get it straight. Yo, I am sons of man from the royal fam. Never

la verdad sobre el doblaje y todas las curiosidades que te vamos a contar. Tomaré lo mismo que ella. Marchando un programa cargado de cine en Dóblame Mucho, presentado por Noemi Goma y Davinia Martos. Cada dos jueves, de 9:30 a 10:00, en Onda Terral. La buena onda malagueña. Sayonara, baby. Si es que en Onda Terral tenemos de todo, programas de todo, de doblaje, de música, magazine, de informática, tenemos de todo. ¿Os lo vais a perder? Pues ya sabéis, en Onda Terral, que también tenemos nuestra aplicación. Buscáis en el Play Store Onda Terral y te la bajas, es muy fácil. Y seguimos con más cositas. En 2016, Jesse Bass sacó el tema Lay Back colaborando con él Freddie Gibbs, y suena así de guapo aquí en Onda Terral. In the Porsche, not 11 with the top back. Got a 4-5 on my lap and a snub in the glove box. Nigga wants a combat. Yeah, I got the push buzz dash box. Man, it's just so futuristic. I just can't wait to get hella bitches in it. I took a hold of eating stuff off of Vita. I ain't hit it in a week. Now she's tripping because it's been a minute. Yeah, they say I'm cold on the hoe. Can't even admit it was a rose on the hoe. Plenty of yo on the pocket. A 9, 5, 10, 20s, 50s, 100s on the table. Ones on the floor. Got the ones on the floor. How the fuck the nigga get the guns in the dark? Do it like a motherfucking pro fuck. Nigga, I just fuck with a pussy, got you love in the hoe. Said the pussy got you cuddling and hugging the hoe. Dope clock every time a car stop. Crib like a car lot. I got shit to transform like an Autobot. House whip in the ice and my watch off a crack rock. This a dope boy, let's know. 100 years on the table, make a nigga flee to Mexico. Getting paid from the cradle to the grave. Go to prison, be a motherfucking slave. Pussy nigga, can you try it? Nigga, can you buy it? 9 out of 10 of these niggas can survive. Bitch, 9 out of 10 of these niggas drop a dime. Scared to take it like a man, do they motherfucking time. How you beat him with his motherfucking freedom on the line? Drug charge, how the fuck you supposed to stop that? I'm strapped up for the combat. As I lay back, ride in the Porsche with the top back, yeah. Yeah. Pas la porte, saute dans la décapotable. J'en vois tellement de jeux, j'passe pour un mégalomane. J'fais pécho un pote, tu connais déjà le programme. On fume la bonne queue de roselle qui fait mal au crâne. Je dois me déplacer pour le business. En 7ème sur le boîtier de vitesse. Depuis 2013, les paiements sont en retard. On va régler ce différent. En se passant d'une engueulade, on a repris le pèse. Les poches pleines quand je traîne dans le décor. Depuis 15, je me sens comme dans un Scorsese. Posé dans un bordel. J'fais une trêve, fume une clope, bois du scotch, une escorte, fais du pole dance. En direction studio de mastering. Pendant que l'ingénieur fait son taf, moi je gratte un max de rimes. Leur succès en poisson. Une fois connu leur arsenic. C'est garçonni. J'crois qu'ils devraient s'abstenir. Monte à 1,25. Je fais rentrer dans le 20-1. Je me sens dans un état lointain. Je m'assomme avec la fin d'un joint. C'est le matin, je n'ai rien d'instinct. Je vais rentrer en chien comme Rintintin. Au quartier, je serre la main d'un zinc. Cette semaine, j'ai fait 25 plein. C'est qu'à part, je les prends un par un. Y ahora tenemos un temazo muy guapo. Y hablo de Nas, Nas Scrat, Nas junto con Tali Quelly y Akhenaton saca en 2011 este Los Elegidos. Un trío de base muy guapo. Conexión España, América y Francia. Ahí es nada. Escúchenlo. Many a core, but few are chosen to keep the movement going. I'm in the booth, beholding to the truth, keeping your juices flowing. I move the music like producers when I soup the low end. Want the flutes to flow, we shining through because the youth is golden. We get the beat on the grid like this was Tron, rocking the Daft Punk, hitting like a stoner with his last blunt. Son, we just getting a pun I dropped from last month. Will battle, will travel like a half gun. Have fun when I'm rocking it so consistently. That's why these crowds run when I'm dropping it so efficiently. You try to front it first, but you gotta love it eventually. The MC conversation incomplete until you mention me. Rapper of the century, writer of the millennium, describer of desire, fire of the rookie with the wisdom of the veteran, prescriber of the medicine, opportunity in the flesh, not just a letter. Esto es trabajo y amor, cuestión de ingenio y honor. Es una lucha hermosa, una pelea que te hace mejor. De son choix. Et s'extrait de derrière le rideau. Natch, Akash, Los Elegidos. Eso es trabajo y amor, cuestión de ingenio y honor. Es una lucha hermosa, una pelea que te hace mejor. De son choisi et s'extrait de derrière le rideau. Natch, Akash, Los Elegidos. Muchos lo intentan a tientas, no inventan su destino. Parecen mimos, ellos soñaron, nosotros creímos. Lo hicimos, rompimos los ritmos como cataclismos. Trajimos los himnos y el hip hop dijo: sois dignos mensajes. Mensajeros certeros, corremos por nuevos senderos, rompemos baremos, guerreros supremos en duelos, obreros buscando fortuna lejos del declive. Sabemos que si esta vida es cruda la pluma que escribe. Somos ciencia y esencia, la resistencia del no nos podrán. Somos la herencia de Rakim y Keyares One, tan líderes como aprendices, kamikazes en compases, capaces de comprimir la existencia en solo una frase. Tres ases que elevan tu apuesta, fiesta y protesta, la casta que muestra que esta calle es nuestra. Somos la respuesta. Está en forma de rap, de boom clap que retumba y deslumbra desde que vino a esta jungla. Deciros no rendiros nunca. Esto es trabajo y amor, cuestión de ingenio y honor. Es una lucha hermosa, una pelea que te hace mejor. De son choisi et s'extrait de derrière le rideau. Natch, Akash, Los Elegidos. Esto es trabajo y amor, cuestión de ingenio y honor. Es una lucha hermosa, una pelea que te hace mejor. De son choisi et s'extrait de derrière le rideau. Natch, Akash, Los Elegidos. Peu sont élus. On fait ça par amour de la musique. Et le hip-hop nous l'a bien rendu. Los Elegidos. Quand je rappe, je vois les ions et les atomes. Je suis ce type de MC qui te brille ton matos. Phosphorescent sur le mainstream ou le vatos. Tu sais pas écrire, mets ta merde en ligne gratos. Sérieux, c'est un sas violent sur arpège. Marseille, niveau rap, c'est pas humain en fait, c'est du Marvel. Los Elegidos, 3000 textes par tête. Dans New York District et au début allongé par terre. Aïe aïe aïe, c'est la partie saillante d'Ayam. Droit de cet univers où les cités tutoient la playa. Dresse nos pyramides comme les Mayas. Toi tu nies en bloc, tu vas bouffer du béton vide comme Diana. Tu veux ma place, viens la chercher. Remettant à la baraka. C'est pas un cahier mec, c'est une armada. Classique comme ce qu'on a au pied, ouais c'est la stade. Non classique, dans nos reflets glossy même à l'infâme. Esto es trabajo y amor, cuestión de ingenio y honor. Es una lucha hermosa, una pelea que te hace mejor. De son choisi et s'extrait de derrière le rideau. Natch, Akash, Los Elegidos. Esto es trabajo y amor, cuestión de ingenio y honor. Es una lucha hermosa, una pelea que te hace mejor. De son choisi et s'extrait de derrière le rideau. Natch, Akash, Los Elegidos. Ahí estaban Los Elegidos de Nas, acá, que es Akhenaton y Tali Quelly. Inma, por favor, no ponga mal los estados, las copisuelas, que me está entrando una gana de tomarme un pelotazo, que no es normal. Y yo, ten un poco de consideración con lo que estamos aquí haciendo la radio. Tú muy tranquila, tú escuchando la Black Party, ahí tumbadita con tu cacharrito, y yo aquí, que me dan ganas de ir para allá, ¿sabes? Y seguimos con más cositas. vamos a escuchar a otro componente de los Wu-Tang, en este caso Godfrey Killa, canta con Saiyan Super Crew y el tema tampoco es, hay que saber mucho, se llama Saiyan, escúchenlo. Y'all ain't caked to me, pushing cocaine, white horse in the city. Over pun and Pac, I cried over Biggie. Spazzed out, grab a white bitch by titties. Rock Wallabies, this is Clarkology. No copy, stalky blonde with the triple technology. Quick with the pistol, leave you cripple if you line me. Tickling by the soft nipples on the side of me. Some motherfucker let me slow that flow down. And banging almighty hammer like Bill Brown. Dust off frown, surround sound, Trey Pound. Put a fat rapper head to bed like nightgowns. If y'all with me, then Bill. Show these brothers it's real, we true guns. Make a glass on, the cash is on. Get my head right and smash your moms. Can't, she chose me, the bitch grease my palms. I'm coming from Paris today. I'm on the residence, so don't shit on me. Like Gucci rap, I got the strip blues. You lose, you can reach the out of my shoes. Cranberry, the raspberry, bikini on honey with the back berry. Had my eyes bulging, plus my pants bulging. Ready for a dozing, long stroke of roses. I'm looking for devotion. Slow motion, tropical potion, sun and body lotion. Sex on the ocean, nine is explosion. Had me frozen like the icicle. Big legs like she ride bicycle. Shorty beefcake known to make my knees shake. Sweet steak, first date at the cheesecake factory. Tony Stark's in back of me, sipping on pina coladas, twisting daiquiris. The gold lion is known to hold iron. Green stuff with diamonds, Bobby and Super Saiyan. Y'a fight, le son est fat, à qui la faute Saiyan. Vu les stats, artistiques de gars qui veulent test. Et qu'ont du mal à tâter l'esthétique. Je me dois de les rendre statiques. S, c'est qui coq. Quiconque qui veut jouer le coq. Je vaux mille rookies. Au mic jusqu'à mille rookies. Je lâche du lust, donc j'attends qu'on me lâche de l'est. Voici l'homme de l'est, avec sa dream. Qui s'attoile comme Lady Lesti. Autour des whisky. Pas de S, de bas niveau. Du nouveau fou, tout le reste dans le cas niveau. N'oublie pas ton cerveau, car les ondes sont gradées. Tu dégrades à solo, abattez mes rivaux. Et t'as peur de rencontrer le reste du commando. Ensemble ou en solo, KLR nous unit, veille sur nous depuis la haut. Sur le projet, je te baisse, bouge grave, écarte ton gros d'air. Je t'ai grosse laisse, ramène tes grosses lèvres. Je te donne en grosse lettre, pas des grosses mères, des grosses maîtres. À l'aise, pose ta grosse tête, pas de proverbes. Mais les grosses pas trop, prennent une grosse grosse dèvres à la congène. Projette de gros pièges dans les gros sièges. Protège ton faux air, j'en pose aide, je te pose aide. Je te fais ton procès, pas de problème, je te laisse en chaussette. Je te crochette, je t'avale en pochette, mec, j'éclate les mauvaises. We'll be right back.

mental entre en action. Ancré dans la terre, le ciel une fatale attraction. L'ambition est claire, j'ai la crème pour la connexion. La rage elle émouve, se fonde dans une direction. Focus, le but, l'issue, c'est ça ma vision. Venu dans ce monde avec trop de freins, trop de scissions. Trop d'impasses, de faux guides, de sales missions. Trop de clash, les croix vides, de sales frictions. J'allie le cœur et la raison, je passe avant tes plans. Ma volonté devant, sans faire de mal à mes gens. Super héros, je tire la force qui les gêne de cet univers. Mes pouvoirs naturels, rien ne m'arrête, rien à perdre. There's no fucking mountain that we won't climb. Can't lose sight now, it's do or die. Gotta keep it 100, gotta grind it for wanting. Gotta go out and get it, gotta show out a limit. We don't listen to critics, cause the sky's the limit. Gotta grind till we finish, yeah. You out of your mind, you can't stop me. Cause I gotta grind, you can't cop me. Look, I am determined, I ain't cocky. But if you're looking for greatness, just watch me. We keep climbing, we can never settle in. We better than most, you can take me out my element. You say you like it, then I love it. Got my goals, I gotta crush it. You need proof, know that I'm the evidence. Put in the word, word, word, like Rihanna did. And we win for ourselves, not the acknowledgement. Like I said, I gotta grind, you can't cop. And it's mind over matter, you can't stop me. Reuv et connection, far. Oui. On va atteindre des sommets, mais ils le veulent pas. Non. On veut le beurre et l'argent, gros, pourquoi pas. Faut se donner les moyens, le droit au faux pas. Ouais. Celui qui tombe rentre à lui s'il ne se relève pas. Les obstacles font partie du game, on triche pas. Ils rendent plus fort et plus vaillant, ça c'est une loi. Le karma dans les mains. Et qui sont-ils pour nous diriger? Ouais. Faut rêver, rester vrai, faut défendre sa vérité. All of the times that they said you would never make it. Yeah, they counted you out, but you kept going. Now you're soaring, you are flying. Look at you now. There's no fucking mountain that we won't climb. Can't lose sight now, it's do or die. Yeah. Keep going. Le mental en action. Keep going. Et tu sais, don't stop now. Esto sí que es un temazo. Y más cositas. Más cositas. Nas con Foxy Brown y Corleone graban el Affirmative Action, pero se junta con el grupo Supreme NTM francés y grabaron este Affirmative Action y el remix muy guapo que suena así. Yeah. Escúchenlo aquí, onda terra, escúchenlo. This is Nas Escobar. Yeah, international remix. Check the lyrics. Chacun sa mafia. Chacun sa mi fa. Firm, baby, calm, wicked nigga. Yo, sit back, relax, catch a contact. Sip your cognac and let's all wash this money through this laundromat. Sneak attack, a new cast and rap worth top dollar. In fact, touch minds and I'll react like a rock baller. Who could relate? We play for high stakes at gunpoint. Catch them and break. Undress them time with tape. No escape. The Corleone, Fettuccine, Capone. Roam in your own zone. Again, kidnapped and clapped in your dome. We got it sewn. The firm are the wars unknown. Lower your tone, face it. Homicide cases get thrown. Aristocrats. Politic and deli with diplomats. See me, I'm an official Mac. Lex, coupe, triple flat. Pas de Don Corleone dans mon quartier, mec. Si tu déconnes jusqu'au bout, faudra jouer les bonhommes. Y'a plus de place pour les rêves. Et c'est quand on s'élève. Les rageurs te jettent l'œil et même les anges te crèvent. Sache que l'union fait la force, mais que la misère la dévise. Et qu'en période de crise, chacun met sur son baiser. Chacun sa mafia, chacun sa mifa. Même l'État fonctionne comme ça. Que de la goïma déguisée en secret d'État. The fur, baby. Chacun sa mafia, chacun sa mifa. Aujourd'hui ça se passe comme ça. The firm, baby. Chacun sa mafia. With MTM, yo, the firm connect. Yo, my mind is seeing through your design like blind fury. I shine Jerry sipping on crushed grapes. We lust papes and push cakes inside the casket at just wait. It's sickening. He just finished bitting up state and now the projects. It's talking that somebody gotta die shit. It's logic as long as it's nobody that's in my clique. My man Smoke knew how to expand coke and Mr. Coffee. Feds cost me 2 mil to get the system off me. Life's a bitch, but God forbid the bitch divorce me. I'll be flooded with ice or hellfire, can't scorch me. Cuban cigars, meeting Foxy at the Mars, moving cars. Your top poppy, senior Escobar. Pour tous mes vibes, je le balance avec mes tripes. J'appliquerai nos affects. Cherche pas rien, même plus rien qui nous implique. Même la vie nous tient à bout de bras. On œuvre dans l'ombre, ayant conscience de notre force. La force du nombre, c'est comme ça qu'on brille. Ces putains de sociétés parallèles. On a le vent dans le dos, prêt à voler nos propres ailes. Chez moi, y'a pas le trompa. Non, y'a pas de place pour tout ça. Dans mon quartier, mon gars, j'ai vu que des gosses qui se bousillent en bas. The fuck, baby. Chacun sa mafia, chacun sa mifa. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. The fuck, baby. Chacun sa mafia. With MTM, yo, the firm connect. The fuck, baby. Chacun sa mafia, chacun sa mifa. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. The fuck, baby. Chacun sa mafia. In the black Camaro, firm deep, all my niggas heal the blackest sparrow. While the bees beat the apparel through the darkest tunnel. I got visions of multi-millions in the biggest bundle. In the Lex, pushed by my nigga Jungle. E-money bags, got my West Sean Don, bundle of 62. They ain't got a clue what we about to do. My whole team, we shitting hard like Zaw. Soul Side, Foxy Brown, Cormega and Escobar. I keep a fat Marquise piece, laced in all the illest snakeskin. Armani sweaters, Carolina, Herrera. Be the firm, baby, from BK to the bridge, my nigga Wiz, Operation Firm Biz. So what the deal is, so let's see. If we flip this other key, then that's more for me. Mad coke and mad leak, plus a 500. Cut in half is 250, now triple that times three. We got three quarters of another key. The Firm, baby, volume one. Sensei is down, Sensei is down, Sensei is down. Superman de M place dans la place. Attention, please. Todos los viernes a las 21:00 tienes una cita con la sesión de MDJ. Comienza el fin de semana con temazos y pura energía. Pues sí, señor, después de la Black Party, sesión con nuestro DJ MDJ. No lo podéis perder, poniendo ahí house, techno, techno house, house progressive. Vamos, el cabrón pincha de todo, es un máquina en MDJ. Y vamos a seguir con más cositas, seguimos con Rolf y Big Ali, que grabaron este Dirty House. Yeah! We'll stop, huh? Time to get a little filthy in this motherfucker! You know it is! Dirty Ass! Vamos a bailar un poquito, señores! Cool, ya ma beat, qui se pa? Ha, ha, ha, a qui tu me compares? Sont au balourd, ça c'est du lourd. Les Zoulous bouchent les oreilles tellement c'est douloureux. En mode spatial, leur enfoncé en orbite. Les MC ont la bouche trop petite pour mon gros beat. Les punchlines arrivent vite, tu le suspends. Si tu me liquides, je me disperse en milliards de cents. Pieds au plancher dans ma Benz. Rajoute du sub et t'es un, c'est ton bull burn sur mes coups de sub. Fais chaud, j'fasse mon buzz. Testé pour ces valseuses, attesté par les crasseuses. Détesté par les crasseuses. Mon bla bla bla, efficace en face à face. Plus d'un flow dans mon cul, la haine qui fait déborder la fa fa fa. J'garde la classe, la classe. Recherché par les tatatas. J'me déplace que pour des gros casses. 9-4 dans la bla bla bla. Même les chiennes qui ont les tours finiront par se marier. Les mecs comme moi font Insta pour être casanier. Tu peux vendre la coke rapée comme moi, faudra des années. Arrose le bitume, tu feras pousser des thunes. Appelle les stupes dans mon stud, je fais pousser des tubes. Nigga, je fais la une sans y être passé. Je laisse ça au bras cassé. En solo, je suis déjà assez à brasser, à tout casser. La lumière m'obscurcit, c'est la poésie du U. Si la vie me tape un striptease et ma plume durcit, fais péter mon épidémie. Showbiz n'est pas notre ami. J'ai le record d'audience à la Star Academy. Et des quartiers équipés mes cœurs sont lapidés. Le jour où ça va péter, la France sera constipée. J'ai pas attendu les émeutes pour faire du rap engagé. Je baisse l'état depuis tout petit, je vais pas encore cracher. Tu meurs, t'es love de moi, tu pleures. Souvent de mauvaise humeur, je prépare le code de l'horreur. J'ai la code de l'honneur, je les baisse, demande l'heure. Ils testent, souhaitent ma l'heure, mais c'est pas encore mon heure. Avec les ennemis, la famille sur le dos, on s'élève. C'est pas ma faute si c'est dans ma barre du ghetto. Qu'un faible, soit débrouillard ou crève. Laisse-moi rapper, j'finisse pas au pied des affaires. Et pas au pied de la rapée. On prendra pas la perpète, on prendra des pépettes. Leur affronté est rayé, donc l'histoire se répète. Il est question de raquettes, que pour jouer au ping-pong. Le temps de Shahed, ça les couilles de King Kong. Bueno, y ya nos tenemos que despedir, ya casi son las 8 menos 3 minutos y nos tenemos que despedir. Ya sabéis que paséis un gran fin de semana, sed bueno, abrazos para ellos, besitos para ella. Y el último tema se llama, uy, que no lo veo, Novel Art. Canta otro de los Wu-Tang, Method Man, con su amigo Redman, y I am, todo en am, I am en el francés. Y ya os digo que con esto y un bizcocho el próximo viernes os espero a las 8. Pero antes, después de en la Black Party, no os olvidéis, no os vayáis, que hay una sesión de MDJ muy chula para que bailéis el cuerpo. Y después de MDJ, si os podéis iros por ahí de pingoneo. Pero antes, MDJ. Os dejo hasta la semanita que viene. Now that I got the blood, let me speak on this. Yeah, right? I hear a lot of kick in this bitch. Turn the music up in this motherfucker. We the other side of the track, niggas. Yeah. Alright? Method Man, Red Man, I am. Let's get it done. Yeah. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, ladies and germs, it's pandemonium. Rick Napoleon, Dr. Meth, all in your girl fallopian. Fuck you up like a double stack Pokemon. Peek at you, you're a puss. Doc, low me in. I'm from the bricks with the real car thieves. Rock this funky joint like PRT. Tricks up my sleeve, just give me an hour. I bang two women on the Eiffel Tower. Medicine, y'a tempête, prochaine zone complète. Pour le gastro, on ramène sur la poudrière la lumière. Celle qui régénère la base et les crimes qu'on a plus commun. Son disque est pour la peine, yeah. Passer commun. D'entrée, le team occupe le ring comme Ali. Déjà ouais. Ça pâlit, s'entend le péril proche. Le cœur kaki, la plume face en coup de pioche. Falange active, place la droite en sortie de rotative. Ressent la force vive, l'énergie de ce son où on sévit à vie. Ouais. C'est le chant que nos tripes entonnent comme un choc électrique. Chaque phase touche, égo trip ou métaphorique. Blast déblasé, agressif, puissant submersible. Vise l'esprit, fier, irascible, ouais. Ayam irréductible. Dès le départ, faut que tu comprennes. Understand that red man got a gun, and when I cock it back, fire! Somebody! Roll up, or we can throw up drinks until we throw hey, yo, up. Yo, right off the back, I want y'all to know. Que cette équipe secoue les têtes, y'a le fire dans le show. Sale atmosphère, l'atmosphère, la salle rime gros. Yeah, the bigger they are, the harder they fall. I got choke cons and love songs harder than y'all. I don't fear nothing at all, frontin' it all. I even got female cops busting my ball. Don't mess with my meth, my disc in the decks like the clip in the tech. You're risking your neck if you're fixing the flex. Come with your best or don't come. Name the track, I don't run. Je débarque, c'est Kalastarski, c'est la guerre massive. C'est que c'est parti, esprit de panthère. Siège dans mes guides d'artiste, sans qu'on m'étire ni me dire. Je connais le business sans piller, mec averti qui me dit. J'en connais le son, je veux ta part, mais c'est même pas. On sort que jusqu'au sens, surpuissant. Faut que tu sentes l'essence, rime et insonance. Fais l'effort, capte le sens, des textes à l'essence. Le groove, frappe, grave, des à l'essence. On met demi-thème, quand demi-pas même. Chacun son combat, ici le beatman. Ton flanc s'amène, elle écoute, crie, amen. Allez, sonner le gong, concerne les camels. Vlad, tu nous